Chapitre 25e. Aussitôt que le président de la province sut que mon intention était de remonter l'Amazone, il me fit la faveur de me donner gratis mon passage à bord d'un bateau à vapeur alors à Manaos, petite ville située à l'embouchure du Rio Negro. M. Benoît était ravi. Il se rappelait ses courses au Pérou. Il avait remonté plusieurs fleuves, fait le commerce avec les Indiens. En conséquence, il m'avait demandé de l'argent pour se faire une pacotille. Il avait acheté des colliers, du tabac, j'en fis autant. Et comme il était à peu près probable que je ne trouverais pas grand-chose soit à Manaus, soit partout ailleurs, j'achetais, comme lors de ma première excursion dans les bois, des fourchettes, des couteaux, quelques livres d'huile, du poivre et du sel. J'aurais bien voulu avoir une soupière. Il y en avait deux à vendre chez un tailleur, je profitais de l'occasion. J'achetai 9 livres de poudre anglaise de première qualité. Un hasard très grand me fit trouver du petit plomb, car de ce pays, les petits oiseaux sont négligés. On ne chasse que pour manger. Il s'agissait de bien cacher ma poudre. Le bruit courait alors dans la ville qu'un individu convaincu d'avoir trop parlé avait vu saisir et jeter à l'eau ce qu'il n'avait pas su cacher, de la poudre et des capsules. En conséquence, et pour ne pas avoir le même sort, je pris de très grandes précautions. J'enveloppai chaque livre de poudre contenu dans des boîtes de fer blanc, de papier d'abord, puis de serviettes, et j'emballai mes provisions prohibées dans un grand sac de nuit bourré d'oranges par-dessus. Ce qu'il me fut impossible de trouver, ce fut du papier de couleur pour dessiner aux 2 crayons. Je courus partout. Je fis demander de ce papier-là. Personne ne pouvait supposer qu'il y en eût. Je pouvais tout espérer du hasard. Il ne me servit pas, car aucun marchand n'en possédait même le souvenir. Et sans une heureuse idée que me fit naître une caisse envoyée de Paris à un négociant, et dans laquelle se trouvaient des étoffes enveloppées dans un papier grossier, j'aurais été bien embarrassé. Je fis des albums avec ce trésor inattendu étant cherché. Le navire partait le lendemain dans la nuit. M. Benoît, que j'avais envoyé au consulat pour mon passeport, ne parut pas de la journée. Le lendemain, au point du jour, une forte odeur d'eau-de-vie m'éveilla. M. Benoît se tenait à peine debout. Quoiqu'appuyé sur son bâton, sa pose manquait de cette régularité dont j'avais été charmé. Inondé de larmes, il me déclara qu'il ne pouvait plus me faire l'honneur de m'accompagner, qu'en conséquence, j'eusse à le payer. M. L., chez lequel j'étais alors, vint pour m'aider à faire mes comptes, ce qui ne fut pas facile. L'état dans lequel était l'ivrogne lui faisait oublier ce que j'avais acheté pour lui, et il n'était pas davantage capable de me rendre compte des dépenses dont je l'avais chargé. Nous engageâmes M. Benoît à se retirer. Il nous dit des injures. Il me faisait présent de tout. Comme on ne pouvait pas rosser un homme dans cet état, j'envoyai une petite négresse chercher la police, mais il se retira en nous accablant d'invectives. Il revint quelques heures après complètement dégrisé. Il apportait ses comptes, me priant en outre de lui acheter ses colliers de perles, puisque j'étais mécontent de son service et que je ne voulais plus l'emmener avec moi. Blasé sur les excentricités de M. Benoît, dont cette dernière phrase, dite moitié en français et moitié en portugais, pouvait donner une juste idée d'après ce qui venait de se passer, je le fis mettre à la porte. Je demeurai plus embarrassé encore que le jour où je quittai mon Italien pour aller chercher un gîte chez les Indiens, plus qu'en arrivant au Paria, car j'ignorais alors l'impossibilité de me procurer un domestique, et l'espoir du moins me restait. M. L. eut la bonté d'envoyer à tout hasard s'informer à la compagnie des nègres si on pouvait m'en donner un pour compagnon, car il fallait bien se garder de dire pour domestique. Le chef de cette compagnie vint me parler. S'il y a une grande différence entre la laideur d'un vieux nègre et une jolie parisienne, il y en avait une aussi grande de lui à un vieux nègre. C'était bien la plus horrible tête que j'eusse jamais vue. De plus, il avait pour ornement, ainsi que cela se pratique dans certaines tribus africaines, une crête partant du front et descendant jusqu'au bout du nez. Cette crête, ou plutôt ses crans, ont dû être inspirés par la queue du crocodile. J'en ai rapporté un jeune, qui m'inspire cette comparaison l'instant où j'écris. Heureusement pour moi, car j'étais embarrassé pour dire à quoi ressemblait cet ornement inusité parmi nous. Quand la bouche s'ouvrit pour répondre à notre demande, je crus voir la gueule d'un tigre. Les dents, taillées en pointes très aiguës, ajoutaient à l'horreur du phénomène. Cet homme nous dit qu'il ne pouvait pas me donner un noir, mais qu'il avait un murat à ma disposition. Cet Indien connaissait le pays puisqu'il était des bords de l'Amazone. J'étais pressé. Une heure après, l'Indien parut. C'était de plus en plus fort. Je reculais d'un pas. J'avais devant moi Méphistophélès en chair et en os. Goethe et Schaeffer avaient deviné Polycarpe. Il s'appelait Polycarpe. Ce nom, qui éloignait de la pensée toute idée diabolique, me rassura. À toutes les recommandations qui lui furent faites, il baissait la tête et ne répondait pas. Il parlait pourtant déjà le portugais, car il habitait le Paria depuis un an. Je n'avais pas le choix, l'affaire fut conclue à l'instant. Le bâtiment était petit. Sa dunette, au lieu de porter une tente, était couverte en planches supportées par de petites colonnettes. Quand je montai à bord, lorsqu'il fut encore jour, déjà des voyageurs, tous portugais, avaient accroché leur hamac et empêchaient de passer. Je fis de même pour le mien. Les malles les plus essentielles furent rangées le long du bord, près des hamacs, et servirent de banc plus tard. Nous partîmes à minuit. Nous passâmes entre des myriades d'îles après avoir laissé derrière nous celle du Marajo. On jouait au tric-trac, tout près de moi. Un joueur enthousiaste, à chaque mouvement brusque qu'il faisait, et il en faisait beaucoup, repoussait mon hamac. Il ne s'apercevait pas qu'en revenant, je le repoussais à mon tour. J'avais commencé par grogner, et peu à peu je pris autant d'intérêt à ce jeu de va-et-vient que l'autre à son tric-trac, et comme la lune était belle, je pouvais, de ma balançoire, voir les îles toutes couvertes de palmiers et de lataniers près desquels nous passions. Ne pouvant dormir, grâce à mon entourage, je repassais dans ma mémoire tout ce que j'avais déjà éprouvé de bien et de mal depuis mon départ de Paris. J'avais voyagé de Southampton à Rio avec des Français, de Rio à Victoria avec des colons, presque tous allemands, à Espiritu Santo avec des Indiens, de Rio au Paria avec des Brésiliens pour la plupart, j'étais sur l'Amazone avec des Portugais, avais-je gagné au change? Toutes ces réflexions et d'autres, d'une nature bien différente, se faisaient en escarpolette, au bruit des cornets qu'on versait sur le jeu de tric-trac, d'une façon à tout briser. Le jour vint, et plus que dans la nuit encore, nous passâmes à toucher tout près le long des îles. Tout était basse, les arbres peu élevés. Les lataniers étaient en très grand nombre ainsi que les palmistes. De loin en loin, je voyais des huttes supportées par des pierres, précaution qui ne les sauve pas toujours des inondations. L'une de ces huttes, un peu plus importante que les autres, se reliait avec une espèce de quai, à l'aide d'une grande planche également supportée par des pierres. Sur cette planche étaient posées en grand nombre des vases de fleurs. Derrière la hutte se voyait un défrichement récent. Pendant que je regardais, bercé dans mon hamac, le chant bien connu d'un oiseau d'Europe me fit retourner. C'était un chardonneret, objet de l'attention toute paternelle d'un vieil amateur portugais. Il avait probablement acheté à grand prix cette curiosité européenne. Ce chardonneret avait du moins sur les magnifiques oiseaux du pays l'avantage de bien chanter. Depuis le lever du soleil, je voyais des objets emportés par le courant. Cela m'avait semblé des orchidées, qui, tenant aux arbres seulement par des rudiments de racines sans force, doivent tomber facilement. Nous étions toujours au milieu des îles. On me dit que nous ne naviguions pas encore sur l'Amazone. Il est probable que je ferais quelquefois involontairement des erreurs géographiques. J'ai employé au Paria tous les moyens pour me renseigner. Chacun m'apportait sa version et rarement la même. Par exemple, j'ai appris que la ville de Paria au Belém est bâtie sur l'Amazone. D'autres m'ont dit sur le Guciara, d'autres sur le Gama, et le plus grand nombre sur la rivière des Tocantins. Pendant la nuit, nous avons touché à Brevès. On a pris et laissé des passagers et embarqué des bois. Ici, on ne brûle pas de charbon. Les bûches, jetées de main en main, sont rangées sur le pont. Chaque homme, nègre ou autre, en les recevant, répète d'une voix monotone le chiffre déjà chanté par celui qui est en tête de la bande. Depuis Brevès, on a passé plus près encore des îles. Un enfant eût pu jeter une pierre de l'une à l'autre. Le fleuve était calme. Cette merveilleuse nature se reflétait comme dans un miroir. Plus on s'éloignait de la mer, plus la végétation semblait grandir. Nous étions alors éloignés de l'influence des marées. L'eau était cependant encore un peu salée. Dans la journée, nous passâmes devant une case bâtie sur pilotis. Une foule de femmes et d'enfants, vêtus pour la plupart de costumes bleus, se pressaient pour y entrer. C'était sans doute le repas de la famille. Plus loin, une grande case enduite à la chaux. C'était une venda, On y voyait des nègres buvant et payant leur eau-de-vie. Tout près de là, jacassaient des perruches. Le fleuve s'élargissait sensiblement et le vent commençait à souffler. Nous nous éloignâmes des cases, toujours placées à une assez grande distance les unes des autres. J'avais dans la journée fait connaissance avec un Brésilien, M. O, allant ainsi que moi à Manaus. Il savait autant de français que je savais de portugais. Il m'assura que personne ne pouvait lire au juste le nombre des îles qui sont sur l'Amazone. Il m'expliquait différentes choses que j'aurais pu toujours ignorer. Il me faisait remarquer certains arbres et me disait à quels usages ils étaient propres. J'avais entendu, dans les rues de Paria, crier une boisson nommée açaï. J'en avais même bu. Je crois me souvenir qu'elle m'avait plu médiocrement, étant épaisse et un peu aigre. L'île près de laquelle nous passions était remplie des arbres dont on l'a fait. C'est une espèce de palmier. On met simplement le fruit dans l'eau bouillante et on passe le liquide dans un crible. Il me montra un arbre colossal dont la feuille donne la mort instantanément. Il se nomme Asaka. Je vis également le seringa, arbre qui produit la gomme élastique. Les hommes qui font cette récolte gagnent beaucoup. Il en est qui se font ainsi jusqu'à 20 livres par jour quand les bois sont bons. On part le matin de bonne heure et après avoir fait au tronc une légère blessure, on attache au-dessous un petit pot de terre et on continue ainsi d'arbre en arbre jusqu'à la limite qu'on veut. En retournant, on vide chaque pot dans un grand vase, puis, avec une qualité de bois dont je n'ai pas su le nom, on fait sécher à la fumée. Depuis quelque temps, je voyais des individus assis au-dessus de leurs canots, sur des échafaudages formés avec de petits troncs d'arbres. Ils étaient immobiles comme des statues. Le sceau m'apprit que c'étaient des pêcheurs. J'étais trop éloigné pour m'apercevoir qu'ils étaient armés de flèches. Ils passent ainsi des journées entières, sans faire d'autres mouvements que celui nécessaire pour rouler un cigaretto. Ces hommes, qui habitent les rivages des îles de l'Amazone, sont les Muras. Aucune autre tribu ne veut s'allier avec celle-là. On pense généralement que ces Indiens ont émigré lors de la conquête du Pérou. Ils sont voleurs, leurs paroles ne les engagent jamais, ayant pris plus encore que les autres Indiens en contact avec notre civilisation, nos vices et laissé nos qualités. Polycarpe était Murat. Partout où nous passions, la végétation descendait jusque dans l'eau. Jamais de plage visible. Les plantes aquatiques s'avançaient bien avant. Souvent, nous avions l'air de naviguer au milieu d'un jardin couvert de fleurs, si bien que pour donner de la nourriture fraîche aux deux bœufs que nous avions à bord, l'aide-cuisinier ayant coupé en passant des roseaux fleuris, on y trouva un petit serpent tout bleu, dont je ne pus sauver que la tête, le reste ayant été écrasé par les peureux. Je ne pense pas qu'il existe dans le monde de navigation plus agréable que celle que je faisais. J'avais cru, en approchant de l'Amazone, voir une mer intérieure n'ayant que le ciel pour horizon. Rien de ce que je voyais ne ressemblait à ce que j'avais supposé. J'étais loin de m'en plaindre. À chaque instant, à la place de cette monotonie, je voyais se dérouler des panoramas toujours nouveaux dans leurs aspects variés. Et ce spectacle changeant, je le contemplais couché dans un hamac léger comme un filet, ne laissant pas à la chaleur la possibilité de pénétrer mes vêtements, que je pouvais d'ailleurs simplifier beaucoup, sous une dunette d'ordinaire découverte comme le reste du navire, ayant pour me distraire sans fatigue en face le mouvement de l'équipage, à droite et à gauche des oiseaux et des fleurs, au milieu d'une atmosphère tempérée par la marche du navire et par cette brise qui règne presque toujours sur l'Amérique du Sud.